Il n'en devait pas moins, puisque c'était la fête de Madame Arnoux, lui offrir un cadeau. Il songea naturellement à une ombrelle afin de réparer sa maladresse. Or, il découvrit une marquise en soie gorge-pigeon, à petit manche d'ivoire ciselé, et qui arrivait de la Chine. Mais cela coûtait 175 francs, et il n'avait pas un sou, vivant même à crédit sur le trimestre prochain. Cependant, il la voulait, il y tenait, et, malgré sa répugnance, il eut recours à Deslauriers. Deslauriers lui répondit qu'il n'avait pas d'argent. J'en ai besoin, dit Frédéric, grand besoin. Et l'autre, ayant répété la même excuse, il s'emporta. Tu pourrais bien, quelquefois. Quoi donc? Rien. Le clerc avait compris. Il leva sur sa réserve la somme en question, et, quand il lui versait pièce à pièce, je ne te réclame pas de quittance, puisque je vis à tes crochets. Frédéric lui sauta au cou avec mille protestations affectueuses. Deslauriers resta froid. Puis, le lendemain, apercevant l'ombrelle sur le piano. Ah, c'était pour cela. Je l'enverrai peut-être, dit lâchement Frédéric. Le hasard le servit, car il reçut dans la soirée un billet bordé de noir et où Madame d'Ambreuse, lui annonçant la perte d'un oncle, s'excusait de remettre à plus tard le plaisir de faire sa connaissance. Il arriva, dès 2 heures, au bureau du journal. Au lieu de l'attendre pour le mener dans sa voiture, Arnoux était parti la veille, ne résistant plus à son besoin de grand air.